Après son crime, Caïn a mené une existence misérable. Les tourments de sa conscience sont devenus pour lui un châtiment insupportable. Comme il s'en plaignait, levant en quelque sorte son poing contre le ciel, Dieu a garanti son existence en s'engageant à le venger 7 fois si quelqu'un mettait la main sur lui. Genèse 4, 13 à 15. Plusieurs générations se sont succédées. La corruption, le vice et le crime caractérisaient la société antédiluvienne qui s'éloignait toujours plus de Dieu. Dans une diatribe philosophique bien significative, Lémec, l'un des descendants de Caïn, a montré à quel point ses ambitions étaient dominées par la haine. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Genèse 4, 24. Depuis lors, l'esprit de vengeance a poussé les hommes en d'innombrables conflits. Et si, de nos jours, l'humanité tout entière est asservie à l'esprit de revendication, à la loi du plus fort et aux instincts d'agression, c'est que le cœur des hommes ne s'est pas amélioré depuis l'époque de Lémec. Et il n'y a pour eux aucun espoir d'amélioration, sinon celui qu'apporte l'Évangile. Car l'Évangile propose à l'homme bien autre chose. Au lieu de l'esprit de vengeance, le pardon. Le Seigneur Jésus l'avait souligné à son disciple Pierre lorsqu'il lui demanda « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 21 à 22. Caïn aurait été vengé 7 fois. Lémec demandait à l'être 77 fois. Mais l'Évangile recommande le pardon 70 fois 7 fois, donc 490 fois, autant dire à l'infini. Seul le Seigneur Jésus peut extirper à la racine le besoin de vengeance inné au cœur de l'homme, et seul il peut mettre en lui l'amour et le pardon. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Durant les millénaires qui ont précédé la naissance du Fils de Dieu à Bethléem, Dieu a toujours eu ses témoins fidèles, des hommes de foi qui se sont détachés de la majorité pour rechercher ce qui lui était agréable. Abel était mort depuis plusieurs siècles lorsque Dieu suscita Hénoch, ce deuxième géant de la foi mentionné dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Je vous invite à lire le verset 5 de ce chapitre. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, après son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Lisons maintenant ce que Moïse écrit de lui en Genèse chapitre 5, versets 22 à 24. Hénoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Hénoch marcha avec Dieu, au sein d'une génération qui se détournait de Dieu. Beaucoup plus tard, le prophète Amos s'exclamait « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Amos 3, 3. C'est déjà un fait rare que deux hommes veuillent bien marcher ensemble, et ils ne le pourront sans s'être préalablement mis d'accord. Mais l'expérience d'Hénoch nous montre un fait encore plus exceptionnel. Un croyant marchant non pas avec son semblable, mais avec Dieu lui-même. Hénoch s'était mis au pas de Dieu. Il était d'accord avec Dieu. Il accomplissait ce qui était agréable à Dieu. Ses proches, sa famille, ses voisins, ses concitoyens ne voulaient pas l'approuver et encore moins le suivre. Mais il persévérait, probablement dans l'isolement le plus complet, marchant avec Dieu et demeurant en communion avec lui. Hénoc vivait par avance ce que l'apôtre Jean a exprimé en ces termes près de 30 siècles plus tard. Si nous marchons dans la lumière comme Dieu est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. 1er épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Pour Hénoc, marcher avec Dieu, c'était se détourner du mal et rechercher toujours davantage les intérêts de son Seigneur. C'était aussi avertir les hommes de sa génération du jugement qui les attendait. C'est aussi pour eux qu'Hénoc, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes: « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Vous avez entendu ici le témoignage de l'apôtre Jude au sujet d'Hénoc, aux versets 14 et 15 de sa courte épître. C'était le temps où Dieu patientait et invitait encore les hommes à la repentance. Après la prophétie d'Hénoc annonçant le jugement, plusieurs centaines d'années allaient encore s'écouler jusqu'à sa réalisation par la catastrophe cosmique du déluge. Car Dieu prévient toujours les hommes avant de les châtier, les engageant ainsi à se repentir de leurs mauvaises actions. Et s'ils constatent en eux un véritable abandon du péché et un désir sincère de conformer leur vie à la justice et à la vérité, il va jusqu'à retarder son jugement pour permettre à ces hommes de découvrir encore son amour et son pardon. Aujourd'hui, Dieu patiente encore, et il parle aux hommes de multiples façons pour les avertir du sort tragique réservé au monde. C'est pourquoi, à la fin du XXe siècle, le Seigneur a besoin de nouveaux témoins comme Hénoc, qui arracheront des victimes à Satan et sauveront des âmes. Le monde les écoutera dans la mesure où leurs actes d'intégrité dans la vie pratique confirmeront leurs paroles. Hénoc a marché avec Dieu pendant 300 ans. Bien qu'à l'époque les gens vivaient très longtemps, 3 siècles, c'est vraiment long, surtout quand on n'a personne pour partager sa foi. Le vide a dû rapidement se créer autour d'Hénoc. Beaucoup de gens ont dû se moquer de lui, le qualifiant peut-être de moraliste pessimiste ou de visionnaire irresponsable. Mais Hénoc a persévéré, sans s'occuper du qu'en dira-t-on. Les quolibets qu'il essuyait n'ont fait qu'affermir ses convictions et rendre plus incisives ses prédications. Et soudain, après 300 ans de fidèles témoignages, Hénoc ne fut plus parce que Dieu le prit. Rien ne pouvait autant impressionner l'entourage d'Hénoc que sa subite disparition. Mais n'y avait-il pas là l'approbation souveraine du Tout-Puissant sur son humble témoignage ? Probablement qu'on a cherché partout sa dépouille mortelle, mais elle est demeurée introuvable. Et pour cause, Dieu avait pris à lui son serviteur, il l'avait transformé instantanément en lui accordant son corps éternel de résurrection. Nous avons en effet tout lieu de croire que sa transformation fut instantanée, puisque l'Écriture nous dit qu'Hénoc fut enlevé. D'innombrables témoins fidèles du Seigneur seront un jour, très bientôt, enlevés pour partir à la rencontre de Jésus-Christ revenant sur les nuées du ciel. Ils recevront alors leur corps éternel de résurrection, ce corps qui ne connaîtra ni limitation, ni maladie, ni vieillissement. Oh, ce sera merveilleux, n'est-il pas vrai? Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1er épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 17. avant leur départ au ciel, ces chrétiens se seront heurtés à l'indifférence, à l'opposition ouverte et au mépris. Mais leur soudaine disparition sera une prédication plus puissante que toutes les paroles qu'ils auront prononcées lorsqu'ils étaient encore sur la terre. Les places vides laissées par ceux qui auront été enlevés seront le plus puissant des sermons qui ébranlera même les adversaires les plus farouches de la cause de l'Évangile. Et nombreux seront alors ceux qui se repentiront de leurs mauvaises actions. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, 6. Que le Seigneur vous fasse la grâce de grossir les rangs des vainqueurs qui marchent avec Dieu parce qu'ils l'aiment et qu'ils se réjouissent de la récompense céleste qu'ils partageront avec Enoch et les innombrables témoins de Jésus-Christ. Alors, malgré la solitude, les moqueries et l'opprobre qui pèse aujourd'hui sur votre témoignage, l'espérance du ciel remplira votre cœur et vous persévérerez dans votre marche avec Dieu, ici-bas, suivant l'exemple d'Enoch, le précurseur des prophètes.